France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 124. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 8 juin 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es gros tarin ou stade nasal, tu es Tony Blair ou Pif le chien, tu es trompe ou truffe, tu es finger in the nose, tu es en odeur de sainteté et tu es aussi... Respirer, vertu du verbe respirer, respirer les fleurs et les parfums. Mais pour respirer, il faut avoir un nez. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu renifles et tu nasilles et la moutarde te monte au nez. Alors, cette semaine, nos récepteurs olfactifs ont été très sollicités. À l'Assemblée nationale, pour Rachida Dati, ça sent le roussi. Chez Yves Saint-Laurent, on vient de lancer un nouveau parfum, j'ai testé, ça sent le sapin. Et pour Barack, ça sent l'agnac, alors que pour Hillary, ça sent le moisi. Ainsi, devant une telle farandole de fragrances qui flatte nos naseaux, la panique au Mangin Palace a donc décidé cette semaine, durant 53 minutes, de t'offrir un petit voyage en odorama. Et pour commencer notre aromathérapie, de la sueur du travailleur au parfum de celui qui ne fout rien, nous allons humer à plein nez l'histoire de la perception des odeurs. Ensuite, durant quelques minutes, nous tenterons de répertorier les utilités de la saillie médiane de ton visage, autrement dit, de ton tarin. Et dans la foulée, justement, grâce à ce taré de Jean-Yves Lafesse, nous constaterons que ton nez, toujours en première ligne, peut servir à détecter les haleines de Fennec. Et puis, nous rendrons visite à ces gens du MEDEF et de l'UIMM qui ne trouvent pas tant tétant d'amasser de l'argent puisque, paraît-il, le pognon n'a pas d'odeur. Et enfin, une fois encore, nous prendrons la direction de Grosboule-les-Bains où Monique et Jean-Claude ont reçu à dîner mardi dernier quelques personnes âgées de l'hospice qui sont venues accompagner d'étranges odeurs. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et engage-toi dans la narine. All you got is this moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's so. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. Ow! I need you tonight. 'Cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. Let you know. I need you tonight. 'Cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. Tonight, ce fut le tube de l'In Excess en 1987, alors que pour Lynn Renault, le Nid Douillet Hype, ce fut sa cabane au Canada. Allons, tout ça, c'est de la bouffonnerie. Alors, ce matin, la panique au Mangin Palace, odorante, adorant titiller tes cinq sens, s'est couverte de parfums afin d'explorer sans pince-nez les mystères olfactifs qui stimulent nos cavités nasales. En effet, rarement dans l'histoire des hommes, ce qui est perçu comme les bonnes odeurs dispose aujourd'hui dans notre quotidien d'un statut très particulier. Et oui, de nos jours, il faut que tout sente bon et la publicité guide nos naseaux vers des fragrances jugées comme le nec plus ultra de l'odorat, avec par exemple la lavande de Provence, la vanille des îles ou la fraîcheur marine. Sauf que voilà, tu le sais bien, la manière de ressentir les odeurs a évolué dans le temps et la rupture majeure dans l'histoire de la perception olfactive pour nos sociétés occidentales, c'est le XVIIIe siècle. Commence alors une large opération de désodorisation, menée par les hygiénistes qui traquent le déchet, le cadavre et le fluide corporel. Le mieux pour comprendre cela, c'est de demander à l'historien des représentations, Alain Corbin, ce qu'il disait du miasme et de la jonquille. Je disais qu'à la fin du XVIIIe siècle, on avait conscience que chaque catégorie d'ouvriers avait une odeur, mais que ça ne s'accompagnait pas de mépris, de dégoût. Du moins, l'évolution dans ce domaine est si lente qu'il faut se garder d'être systématique. Mais grosso modo, si vous voulez, il me semble qu'il y a un glissement du vital au social entre le XVIIIe et le XIXe siècle. C'est-à-dire que l'attention à la mauvaise odeur, aux mauvaises odeurs au XIXe siècle, va de plus en plus être sociale. Ce que l'on va craindre de plus en plus, c'est l'odeur du peuple. D'une part, et la jeune fille bourgeoise enfermée dans sa chambre un peu chlorotique, hypersensible, qui dans le domaine de l'odorat, elle, est jouie d'une hyperesthésie et par conséquent, elle constitue l'autre pôle. Donc, l'analyse de l'odorat et de la sensibilité olfactive entre dans les clivages sociaux et peut-être un des plus profonds. L'analyse de l'odorat entre donc dans les clivages sociaux dès le 19e siècle, quand se met en place le stéréotype de l'ouvrier auréolé de sueur et sentant la transpiration, alors que pour le bourgeois, et surtout pour la bourgeoise, il en va tout autrement, Coco. Pourquoi votre parfum s'appelle-t-il numéro 5 ? Ah, ça, c'est le... Je sais pas, je trouve que le 5 est joli, et je mettais toujours, c'est moi qui les ai fabriqués, mes parfums, et je mettais sur la bouteille le numéro. Et j'avais fait ça, j'avais mis un morceau de papier, j'avais mis un 5, et j'ai dit, ça, c'est très joli, c'est simple, et ça ne s'est encore jamais fait, c'est une nouveauté, vous allez voir si ça plaira. Parce que je trouve que les noms, autrefois aussi, ont donné des noms aux robes, alors c'était idiot, ça. J'ai changé ça, j'ai mis des numéros. C'est plus facile d'en tenir un numéro que d'en tenir un nom, qui est quelquefois ridicule. Non, je ne suis pas un numéro. Je suis un parfum libre, comme le disait numéro 5, dans la mémorable série intitulée Le Prisonnier. Ainsi, l'odorat est construit par les classes dominantes comme un marqueur de distinction sociale et ces classes dominantes imposent à l'ensemble du corps social son idéologie du bien sentant. Ensemble nous ferons. Vraiment tort de pas chanter fumée. Prêcheur berger, prêcheur lavant, prêcheur pénis. Bref, ensemble faisons un monde parfumé. Un monde parfumé. Sans mauvaises odeurs, ça pourrait devenir aussi un monde sans odeur du tout. Un monde où l'ail n'a plus sa place et où les poisses n'est plus sur les plateaux. Cependant, priver le monde de toutes ces odeurs, c'est une tâche impossible. Car il reste toujours des aisselles et des épaules de résistance. Dans l'omnibus de Couchy, les coucous, on se sent tous solidaires d'un seul coup. Il y a la fermière avec ses camemberts qui vous en lâche un petit air. On lève la tête disant « Oh, ce que ça pue !» Pend une valise vous tombe sur l'occiput. Et comme il y a des chiens dans l'omnibus, on ramène un boisseau de puce. Les odeurs corporelles contre lesquelles nous luttons au quotidien, à grands coups de savon, de parfums et de déodorants, font pourtant partie de nos vies et sont fondamentales dans notre rapport à l'autre. Alors, vivre dans un monde aseptisé, cela va-t-il nous faire perdre ce sens olfactif, vestige de notre animalité? Eh bien, le regretté Dino Risi, mort hier matin, nous expliquait en 1974 dans son film Parfum de femme que ce n'était pas le cas. Mais tu l'as senti? Qu'est-ce qu'il y a à sentir? Ça sent la femelle, hein? Il en sera pour ses femmes. Hé, hey, comment elles étaient? Dis-moi, grandes, petites? Sûrement des jeunettes, je reconnais l'odeur de l'aisselle du tendron, hein? Chicho, comment elles étaient? Décrivez-moi, bon Dieu! Mais j'en sais rien, j'ai pas eu le temps de voir. Elles étaient deux, mais... qu'est-ce que tu fais de tes yeux, alors? Tu es amateur de femmes ou non? Si tu les aimes, t'étais pas fichu de voir si un sein est en forme de poire ou de pomerlette, ou si un cul rase le plancher? Qu'est-ce que tu crois? Je souffre parce que je ne peux plus voir le crépuscule? Ou la coupole de Saint-Pierre? Un sexe, des cuisses, une paire de fesses sublimes, la voilà la seule religion, la seule et unique politique, la seule patrie de l'homme. T'as compris? Oui, c'est bien compris. Le corps exhale des odeurs qui éveillent en nous des sensations animales et souvent très agréables. Oui, je vous le dis haut et fort, vous, mesdames, vos odeurs nous ensorcellent. Madame? Oui? Que faites-vous dans la vie? Je m'occupe de paix et de paix, mais ça ne s'écrit pas pareil. C'est-à-dire? Oh là là, vous êtes lourd. Bon, je m'occupe de paix dans le monde, avec des pétitions contre la guerre, tout ça. Je milite, je m'engage, et puis aussi de paix. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Je comprends pas. Bon, je vais pas vous faire un dessin non plus. Paix et paix. Excusez-moi, je dois être un peu con. Bon, ok. Ah, d'accord. Vous, vous êtes une femme. Ouf, j'ahoy, yeah, oh, oh, hey, il vient de m'arriver, là. Vous l'avez bien cherché? Ah oui, il était méchant, hein. Barbara Louf, des femmes qu'on n'oublie pas. Bon, alors là, c'est la consternation dans ce studio. Tous ici, nous sommes offusqués par ce son que nous venons d'entendre. Xavier Mauduit, qui est à mes côtés, reste bouche bée de stupeur, les yeux ouverts à mi-chemin entre la nuit et les terriens. Les yeux ouverts à mi-chemin entre la nuit et les terriens. Le monde ne s'aperçoit même pas qu'il pourrait bien tourner sans moi. Colorié sur ma joue froissée, ce que la nuit aura tracé. Des moutons, du coton que mes rêves auront déposé sur l'oreiller au petit. Froissé, ce que la nuit aura tracé. Des moutons, du coton que mes rêves auront déposé sur l'oreiller au petit matin. Au petit matin. Lutter un peu, pas venir demain. Et enfin, enfin, le ciel s'éteint sur Belle. Belle et Sébastien, colorie sur ma sage ou froid, c'est ce que la nuit aura tracé. Des moutons, du coton que mes rêves auront déposé sur l'oreiller. Les petits matins. Ce sont ceux que vivent au quotidien nos amis du Poney Express, parce que tous les matins, il faut prendre un petit bain express, afin de ne pas sentir le poney, si tu veux choper la ponette. Alors maintenant, la clepsydre du Mangin Palace nous indique qu'à vue de nez, il est désormais 11h20, et après avoir constaté l'évolution de notre perception des odeurs, il est temps désormais, durant quelques minutes, de nous intéresser plus particulièrement à la saillie médiane de ton visage, autrement dit à ton nez. Oui, mon ami, connais-tu réellement l'utilité de tes fosses nasales ? Eh bien, tu l'ignores peut-être, mais ton nez possède des facultés hallucinantes, capables, tiens-toi bien, d'assurer la reproduction de notre espèce. Rien à voir avec des pratiques sexuelles douteuses. Mais figure-toi qu'une équipe scientifique de l'Université de Chicago a mis sur pied une curieuse expérience. On a demandé à un groupe de femmes très différentes de sentir des t-shirts portés pendant 2 jours par un groupe de mâles, eux aussi très divers. Ces femmes devaient ensuite établir une hiérarchie de ces odeurs masculines selon qu'elles leur étaient agréables ou nauséabondes. Résultat, systématiquement, ces femmes ont préféré l'odeur du t-shirt de l'homme qui leur était le plus éloigné génétiquement. Autrement dit, elles ont toutes choisi l'odeur d'un homme avec lequel le brassage génétique serait assurément le plus riche, c'est-à-dire avec lequel la survie de l'espèce serait la plus sûre. Incroyable. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de sa taille, ton nez est crucial pour la reproduction et il faut donc cesser de faire mumuse avec le pif des mômes, par exemple. M'énerve ces trucs-là ou bien l'autre truc naze. Je sais pas qui c'est qui a inventé ce gag nul que tout le monde fait depuis des années. Hop, je t'ai volé ton nez, moi. M'énerve ce truc-là. T'es volé ton nez. Ah, et le môme, il pleure. Donne-moi mon nez, donne-moi mon nez. Non, il y a un oncle tous les week-ends qui va lui faire, et tous les week-ends le gosse va pleurer, et tous les week-ends l'oncle va dire non, c'est rembat ton nez, j'ai mis ton nez. Bravo, t'as mis son nez, waouh, super, t'as mis ton nez. Bravo. Moi, chérie, je peux pas te faire le gag de je t'ai volé ton nez. D'abord parce que je n'aime pas ce gag, et en plus, je sais pas faire la chute de ce gag parce que le pompon de ce gag, le truc énorme, c'est de te montrer ton nez, c'est-à-dire représenter un faux nez avec mes doigts. C'est ça la classe de ce gag, c'est de te dire oh, regarde, il est là, ton nez. Je m'énerve. Quand les enfants ils sont petits, tu leur fais jeter voler ton nez, ils font des cauchemars à la nuit d'un père qui leur vole le nez. Quand ils sont grands, tu fais un bide parce qu'ils disent « Tu me l'as pas volé, il est là, mon nez. » Alors arrête. Oui, savoir subtiliser un nez n'est jamais simple. Mais surtout, dans quel but, me diras-tu ? Eh bien, l'écrivain ukrainien Nicolas Gogol, dans une nouvelle publiée en 1835, nous démontre que la vantardise passe également par le bout du nez. Et à l'instar de l'assesseur Kovalov, personnage prétentieux inventé par Gogol, lorsque ton tarin disparaît justement, tu te retrouves paumé et nargué. L'assesseur de collège Kovalov se réveilla d'assez bonne heure et se fit donner un miroir dans l'intention d'examiner un petit bouton qui, la veille au soir, lui avait poussé sur le nez. Qu'est-ce que vous avez là ? Ousa ? Un poireau ? Un poireau ? Oh ! À son immense stupéfaction, il s'aperçut que la place que son nez devait occuper ne présentait plus qu'une surface lisse. Le nez avait bel et bien disparu. Oh, c'est pas beau, ça. Si, si, je trouve ça très joli, moi. Oh non, c'est très laid, ça. L'horreur, murmura-t-il, en crachant du dépit. Kovalov sauta à bas du lit, s'ébroua, toujours pas de nez. Il s'habilla assez en se tenant et se rendit tout droit chez le maître de police. Dis donc, il y a deux poils là-dedans, des grands poils. Oui. Ça vous fait pas mal ? Non. Comme ça vous fait pas mal ? Non. Et comme ça, attendez. Ah, ça fait mal. Oh, ça fait mal, oh, bon Dieu, que ça fait mal. Alors certes, Gogol était un romancier et son histoire n'était qu'un pied de nez allégorique afin de souligner les travers de l'humanité. Il n'en demeure pas moins que l'amputation du nez fut une authentique réalité. L'amputation du nez était considérée comme une marque d'infamie. apparente et en principe définitive. C'était un signe de justice, soit individuel, chez des criminels et, tenez-vous bien, chez les femmes infidèles. On leur coupait le nez. Soit alors signe de justice collective chez les prisonniers de guerre, comme chez les Assyriens, qui non seulement leur crevaient les yeux, mais en même temps leur coupaient les oreilles et coupaient le nez. Le nez apparaissant comme un signe de l'honneur et de la virilité. C'est ainsi, mais la disgrâce d'un nez ouvre la porte à toutes les avanies et les moqueries à ton égard. C'est pourquoi il est primordial d'en prendre soin. Encore que, une fois de plus, ça dépend. Parfois, ta grosse truffe t'offre l'opportunité de briller en société. Vous ! Vous avez un nez ! Un nez ! Très grand ! Très ! Ah ! C'est tout ? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap ? Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je ? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule ? D'écritoire, monsieur ? Ou de boîte à ciseaux ? Gracieux ! Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes pour tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? Truculent ! Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu ? De cheminée ? Ce soir-là, au nez et à la barbe de son minable provocateur, Cyrano eut le nez creux et malmena ce malotru qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Mais fais bien attention, car il arrive bien souvent que mener quelqu'un par le bout du nez finisse par se voir comme le nez au milieu du visage. Oh, regardez mon nez! Qu'est-ce qu'il a, mon nez? Peut-être m'as-tu menti tout à l'heure, Pinocchio. C'est possible. Oh, mais je le jure, je n'ai dit que la vérité. Oh, pitié, aidez-moi. Je suis si malheureux. Vois-tu, Pinocchio, c'est ainsi qu'un mensonge grandit, jusqu'à ce qu'il se voit comme le nez au milieu de la figure. Certes, avec Pinocchio, ça sent le mensonge à plein. Mais heureusement, la fée a du résultat, le pantin en bois s'y est cassé, même si au final, il lui doit aussi son illustre notoriété. Car voilà une autre utilité du tarin. En effet, si tu sais le mettre en valeur, il peut t'offrir une solide postérité. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde connaît le nez de Pinocchio, de Cyrano, de ma sorcière bien-aimée. Le nez de Cléopâtre, bien sûr, mais aussi et surtout le nez de... Le nez de Dorothée, qu'on se le dise, restera cette année dans sa valise, au milieu des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. On se prendra plus les pieds dedans quand elle regarde en bas. Alors maintenant, que dire d'autre sur l'utilité du nez ? Eh bien, il est également, bien entendu, le récepteur olfactif de ton organisme. Il détecte les odeurs de ton environnement. Seulement voilà, en première ligne, le nez subit régulièrement certains désagréments. C'est pourquoi il faut savoir le protéger, comme va te le prouver d'ailleurs immédiatement le givré Jean-Yves Lafesse. On découvre cela juste après le jingle. Ça les amuse. Allô ? Oui, bonjour madame, les laboratoires Coco Bayeux à l'appareil, laboratoire d'hygiène dentaire. Vous êtes au courant, non ? Non, pas du tout, pourquoi ? Ben écoutez madame, on ne veut pas vous faire de peine, mais on est au PTT actuellement, là on fait des expériences avec le téléphone. Et il se trouve que, d'après vos dernières conversations téléphoniques, vous auriez plutôt mauvaise haleine, est-ce que... Ah bon, non mais vous fichez de moi, non, arrêtez vos bêtises, hein, je vous en prie. Écoutez, madame, je suis avec l'agent. Oui, communication téléphonique, excusez-moi, mais enfin, je suis pas idiote. Non, madame, je crois que vous êtes en train de vous égarer, je vous explique. Nous avons mis au point un brevet qui nous permet de détecter, donc conjointement avec le ministère de la Santé, vous savez que les dents, les problèmes dentaires sont très mal remboursés en France. Ah, ça, je le sais, parce que... Oui, vous avez... Bah oui, justement... Non, vous... j'ai pas de problème, hein. Ah, pas du tout, ne vous inquiétez pas. Bah si, si vous le savez, c'est que... Bah, je le sais, parce que de toute façon, en ce moment, je suis le dentiste, mais je... c'est pas parce que j'ai mauvaise haleine, je me fais mettre des dents, c'est tout à fait différent. Bah oui, madame, mais... C'est justement peut-être parce que vous êtes en train de vous faire mettre des dents que vous avez mauvaise haleine. Ah non, pas du tout. Justement, ces dents-là, elles sont enlevées depuis 15 ans, alors je risque pas d'avoir mauvaise haleine avec, hein. Bon, mais, je sais, madame, plus c'est vieux et plus... Je suis suivie régulièrement, si vous voulez savoir. Alors, mauvaise haleine au téléphone, excusez-moi, hein, mais... N'importe quoi. Moi, je ne veux pas vous décevoir ni vous heurter, mais là, bon, j'ai un masque sur le nez, et heureusement. Oh, écoutez, non, mais dis donc, non, mais vous avez un masque sur le visage pour ne pas sentir mon haleine, non, mais pour qui vous me prenez ? Non, mais je suis pas idiote, hein ? Bon. Madame. Bah, y a pas de écoutez, madame. Bon, madame, je vais continuer cette conversation en enlevant le masque comme ça. Bon. Non, mais vous êtes tombée sur la tête ou quoi ? J'enlève le masque, madame. Ouais, mais enlevez le masque et puis mettez-le où vous voulez, j'en ai rien à faire. Je le pose sur la table. Mais c'est ça, mais c'est ça. Bon, écoutez-moi. Oui, ouais, bah, moi je vais vous raccrocher au nez, ça va être vite fait. Bah, écoutez, je préférerais justement. Oh, je remets le masque, excusez-moi, madame. Vous pouvez me raccrocher au nez, s'il vous plaît. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need it. I've got to break free. God knows, God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This time I know it for real. I've fallen in love. Yeah. God knows I've fallen in love. It's strange, but it's true. Hey, I can't get over the way you love me like you do, but I. When I walk out that door, oh, how I want to be free. Oh, how I want to be free. Oh, how I want to break free. Still goes on. I can't get used to living without you by my side. Oh, I don't wanna live alone. God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see? I Want to Break Free, un tube de Freddie Mercury magistralement réinterprété par Arnaud. Je veux me libérer, c'est aussi le cri de tout un chacun lorsque ton nez est pris d'assaut par une grosse haleine de chacal, justement. Prenez un chewing-gum. Oh non, merci. Ah si, prenez un chewing-gum, Emile. alors maintenant, à 11h35 et toujours en direct du Manchin Palace, nous allons poursuivre notre balade olfactive par la visite du seul endroit sur Terre où aucune odeur ne devrait venir titiller tes narines, à savoir les caisses de la si sympathique Union des industries et métiers de la métallurgie, autrement dit l'UIMM, où d'un gros paquet de pognon n'émane aucune exhalaison, puisque c'est bien connu, l'argent n'a pas d'odeur. Alors pour commencer, un petit rappel. L'UIMM est l'héritière directe du Comité des Forges, cette institution créée en 1854 sous le Second Empire afin de soutenir ces pauvres Jean Schneider, Charles de Vindel et leurs copains maîtres des forges dont la vie était parfois difficile, toujours entourée de ces ouvriers odorants. On a un petit problème. Quoi donc ? Disons que vous avez une certaine tendance à poquer du derche, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous allez venir au château et vous allez faire connaissance avec une pièce dont vous ignorez certainement l'existence et qui s'appelle la salle de bain. Salle de bain. Et vous, là, le merdier que vous avez là-dessous, là, tout ce machin-là, ça, vous me le foutez en l'air, je veux plus le voir. D'accord ? Vous me le flambez, vous faites ce que vous voulez. Dites-moi, il faut que j'y aille parce que je ne peux plus. Eh oui, pour les bourgeois maîtres des forges, la vie n'était pas simple. Avec tous ces ouvriers et ces mineurs d'une mauvaise foi sans nom, quand ils expliquaient qu'ils sentaient la sueur à cause des conditions de travail imposées par le patronat. C'est ça qui fait qu'on est comme ça, les auréoles, c'est ça qui fait qu'on est comme ça, les auréoles en dessous les bras. Voilà, les ouvriers se plaignent toujours à tort, pensaient alors les maîtres des forges. Eh oui, contrairement aux ouvriers, eux, ils voyaient d'un mauvais œil que l'on puisse leur interdire, au nez et à la barbe, le travail des enfants. Ils luttèrent même face au Front populaire contre ces foutus 40 heures, mais ils se sont cassés le nez. Et aujourd'hui, ils font tout leur possible pour obtenir la fin des 35 heures qu'ils avaient dans le nez depuis le début. Et oui, en résumé, le maître des forges, ben... C'est un animal qui vivait tel quel, sans rien changer, à l'Éocène, il y a 65 millions d'années, et qui n'a pas changé depuis. Bon, très intelligent, ça faut le reconnaître. Un tout petit cerveau, essentiellement occupé par le globe olfactif, celui qui sent les odeurs. Rien dans la tête, tout dans les naseaux. Tenez, si par exemple vous êtes au vent d'un rhino blanc en Afrique du Sud, un joli bébé, 5 mètres de long, 2 mètres à l'épaule, près de 4 tonnes, eh bien, il vous chargera dès qu'il aura perçu votre odeur. Comme ça, parce qu'il y a eu un parfum suspect et que dans ces cas-là, on charge. Et cette espèce de locomotive passera à 45 à l'heure au plein galop. Si vous avez une idée, c'est le seul moyen d'en sortir, de vous planquer derrière un arbre, ben il passera à côté de vous en soufflant et s'arrêtera et recommencera à bouter, ayant complètement oublié qu'il chargeait un ennemi. En effet, le maître des forges a cette faculté de foncer dans le tas, mais également de préparer ses coups en douce. Et de cela, on en a d'ailleurs beaucoup parlé ces derniers mois, avec l'affaire pas très claire des fonds secrets de l'UIMM qui se contractent en centaines de millions d'euros. C'est ainsi que ce pauvre Denis Gauthier-Sauvagnac, l'ancien président de l'UIMM, a dû quitter cette joyeuse bande de patrons. Un jour, quelle horreur, y compris que son odeur, au lieu de sentir la fleur, soulevait les cœurs. Mais y a donc tout cochon, un poète qui sommeille. Quel martyr quand personne ne peut plus vous sentir. Ainsi, Denis Gauthier-Sauvagnac, l'ancien président de l'UIMM, qui n'était plus en odeur de sainteté, a dû quitter son union patronale, non sans avoir tout de même touché plusieurs millions d'euros d'indemnité, ainsi qu'une retraite de 500 000 euros par an. Il ne faisait pas la distinction entre ce qui est communément considéré comme une bonne ou une mauvaise odeur. Tout du moins, pas encore. Il était avide. Son but était de posséder tout ce que le monde pouvait offrir comme différentes senteurs. À la seule condition que ces senteurs soient nouvelles. Des milliers d'odeurs formant un invisible mélange dont il disséquait les plus infimes particules. Eh oui. L'Union des industries et des métiers de la métallurgie s'est constitué un beau pécule. Et tout cela, sans le dire à la présidente de la grande organisation patronale dont l'UIMM fait partie, à savoir le MEDEF. Ainsi, cette pauvre Laurence Parisot n'aurait rien su de cette cagnotte qui ne sentait pas bon du tout. Tout de même, ils auraient pu lui en parler. Ils sont du même monde, non ? Ah, je suis une bourgeoise, oui. Ah oui, bien sûr, une bourgeoise. Ça, c'est clairement exprimé par l'odeur de boules puantes qu'on jette dans la salle dès le début. C'est si chaque soir au moment de mon entrée en scène. C'est une idée de truc, le metteur en espace, fantastique. Vous saisissez l'équation, le raccourci. J'arrive, je pue. Donc je suis une bourgeoise, c'est fabuleux, non ? Alors je suis la bourgeoise, bien sûr, mais arrivée au dernier stade, tu vois, à poil, complètement à poil, très belle, tu vois, mais à l'intérieur, complètement pourrie. Ah non, c'est inadmissible, ces insinuations. C'est comme si, je ne sais pas moi, on allait maintenant imaginer que parfois... les bourgeoises succomberaient aux suaves effluves du corps brûlant d'un ouvrier du bâtiment qui ne saurait même pas comment faire pour la séduire. Au début, ça s'est bien passé. Hein. Au début, ça s'est très bien passé. Je l'avais fait monter du champagne, nous devisions joyeusement. Elle était, je la revois encore, elle était assise au milieu de ce grand lit blanc avec sa jupe couleur pivoine en corolle autour d'elle. Mon Dieu, qu'elle était belle. Puis après, ça a dégénéré un peu. Mais c'est pas vraiment de ma faute. Alors là, il faut essayer de me comprendre, là. Hein. Non, mais une belle fille comme ça, superbe, hein. T'as peur qu'on te la pique, hein. Normal. Bon, bah, j'avais peur qu'on me la pique, alors qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai cru bien faire, j'ai fait comme aurait fait n'importe quel grand fauve, n'importe quel seigneur de la jungle. J'ai pissé autour du lit pour délimiter mon territoire. Eh oui, utiliser l'odeur pour marquer son territoire, c'est un classique qui reste toujours d'actualité. Tout comme utiliser la peur du chômage pour asseoir son pouvoir ou utiliser la crise sociale pour casser le code du travail. Il n'y a pas à dire, les maîtres des forges ont toujours été stupéfiants. À la brigade des stupes, je suis tombé sur des cops. Ils ont cherché mon spliff. Ils ont trouvé mon paf. À la brigade des stupes. Toujours à moitié paf. À la brigade de stupe, il défixe la schnouf. J'ai les moules, je flippe. C'est pas mon genre de trip. La brigade des stupes, c'est celle que revisitait Serge Gainsbourg en 1979. Une brigade où il est nécessaire d'avoir du flair pour résoudre les affaires, car les dealers, pour les Gainsbourg, le nez. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. Alors maintenant, afin de prolonger notre exploration des cavités nasales, il est grand temps désormais à 11h44 de nous retrouver nez à nez avec nos deux héros parfumés, Monique la Jonquille et Jean-Claude le Miasme. Avant tout, figure-toi que depuis leur installation à Grosboul-les-Bains l'automne dernier, Monique s'est beaucoup investie en tant que bénévole dans la vie sociale et associative de notre jolie bourgade fleurie. Ainsi, tous les mardis matins, Monique va s'occuper des vieux à l'hospice afin de filer un coup de main aux aides-soignantes face à la malheureuse désertification rurale de la fonction publique hospitalière. Et, mardi dernier, Monique a dû régler un petit conflit entre deux pensionnaires de l'hospice. Bah pourquoi elle pleure, madame au privé? Je parie que c'est encore madame Billard qui a été méchante. Elle veut pas me laisser regarder dans sa télévision. Vous avez fini de torturer cette pauvre madame au privé? C'est moche ce que vous faites. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle pue. Un point c'est tout, elle pue. C'est vrai que vous sentez pas la violette. Allez, venez, on va arranger ça. On va faire un petit brin de toilette. Mais pourquoi vous voulez absolument regarder la télé avec elle? C'est la seule qu'a Canal Plus. Ah, la mesquinerie entre les vieux, c'est redoutable. Toujours est-il que Monique est ennuyée, car ce soir, elle organise chez elle le dîner mensuel des personnes âgées, et ça promet pour l'ambiance. Si tu rajoutes à cela le bruit et l'odeur, merci. Vers 16h, Monique est de retour chez elle pour préparer son dîner. Mais surprise, Jean-Claude est déjà là. Il est éreinté par son boulot, ce qui ne laisse pas Monique indifférente d'ailleurs. Petit Butch, on s'emboîte comme deux cuillères? Non, attends, faut que je prenne une douche. Je pue la sueur, une vraie infection. J'aime que tu pues la sueur. Oui, Jean-Claude apprécie guère de s'emboîter comme deux cuillères quand il pue la sueur. C'est alors qu'à 19h, les vieux de l'hospice déboulent comme prévu chez Monique qui, elle, s'empresse de leur présenter Jean-Claude en prenant bien soin d'exposer les problèmes de flatulence que connaît Jean-Claude en ce moment. Voici mon mari, s'il n'est pas joli. Il est quoi ? Abonné au gaz. S'il n'a pas d'auto, ni même un vélo. Il est quoi ? Abonné au gaz. En effet, Jean-Claude est un peu stressé ces derniers jours et cela se manifeste par des petits soucis d'aérophagie. Mais bon, au moins tout le monde est prévenu qu'il est abonné au gaz. D'ailleurs, Monique a bien fait car très vite, elle sent qu'il y a un problème. C'est quoi cette puanteur ? Bon, une fois que vous serez habitué à l'odeur de couenne de cochon bouilli, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer jusque-là. Couenne de cochon. Oh, c'est quoi cette odeur? Eh oui, croyant bien faire, les vieux ont apporté pour le dîner de la couenne de cochon bouilli qu'ils réchauffent en cuisine et c'est une infection dans toute la baraque. Au passage, Jean-Claude n'y était donc pour rien. Après avoir longuement aéré le living room, tout le monde passe à table et la discussion s'engage entre Jean-Claude et les vieux sur les odeurs corporelles, justement. La fonction sexuelle de la sueur est connue, je crois, dans pratiquement toutes les sociétés. Oui, et mieux encore, il y a quelquefois des rituels où la sueur intervient. Par exemple, dans le folklore hongrois, on raconte que lorsque l'homme danse avec une femme, il met un mouchoir sous son aisselle et lorsque la danse est terminée, après s'être considérablement échauffé, il présente le mouchoir à la femme et c'est exactement comme un signe d'entretien sexuel. C'est ainsi que Jean-Claude apprend notamment comment M. Sarkozy, d'origine hongroise, s'y est pris pour séduire Carla Bruni. Le dîner se poursuit lorsque Jean-Claude et Monique se retrouvent en cuisine après avoir débarrassé les entrées. Quand tout à coup, Monique s'aperçoit qu'une vieille habitude du Jean-Claude vient de refaire surface. Ça y est, ton nez recommence à siffler. Oui, merci, je sais, ça s'entend à peine. En tout cas, je peux t'assurer qu'il s'en est aperçu. Va mettre tes tampons et arrête de me parler parce qu'il va me demander ce que tu dis et je ne saurais pas quoi répondre. J'ai l'air malin avec un tampon dans le nez. C'est quand même mieux que ce sifflement ridicule, non? Très bien. Voici donc le Jean-Claude de retour à table avec un tampon de Monique dans le nez, au grand étonnement bien sûr des quelques vieux invités ce soir. Cela dit, ils en ont vu d'autres. Et une fois l'effet de surprise dissipé, la discussion reprend de plus belle entre Jean-Claude et ses convives, toujours à propos des odeurs corporelles. Nous autres hommes, nous avons tendance à penser que nous, les hommes, nous sommes les meilleurs compagnons de la femme. En réalité, c'est vrai. Je crois que c'est le parfum. Le parfum qui, du matin au soir et du soir au matin, obsède la femme, la caresse, la cajole. Effectivement, les femmes utilisent le parfum depuis le moment où elles se lèvent jusqu'au soir où elles se couchent. Elles se lèvent, elles font leur toilette. Tous les produits qu'elles utilisent sont des produits parfumés, que ce soit le rouge à lèvres, la poudre, le fond de teint, etc., etc. Ensuite, avant de sortir, elles se parfument. Quand elles rentrent, elles refont encore un brin de toilette, soit avec une savonnette, soit avec d'autres produits qui sont également parfumés. En sortant pour aller à un cocktail, elle se parfume encore. Le soir avant d'aller au théâtre, elle se parfume, elle se poudre à nouveau, elle refond un maquillage. En rentrant en fin de journée, elle se démaquille et elle utilise encore des produits qui sont entièrement parfumés et entièrement parfumés par les grassoirs enfin, en général. En gros, pour Jean-Claude, donc, les femmes puent puisqu'elles passent leur journée à se parfumer. Ce qui exaspère Monique, bien sûr, qui prétend qu'avec les hommes au moins, c'est clair puisqu'ils sentent le fennec en permanence. Le dîner se poursuit quand arrive alors le moment du dessert surprise concocté par les vieux pour remercier Monique. Un curieux dessert qui ressemble un peu à la couenne de cochon bouillie de tout à l'heure, mais pas tout à fait. D'ailleurs, Monique s'interroge. Dites-moi, monsieur Prescovic, ce n'est pas le même clou que tout à l'heure. Ah, c'est parce qu'il a changé, je l'ai colmaté avec les spots. Ah oui, bien, combien sommes-nous? Oh, le gâteau, il a pété. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Ah oui, c'est vrai, on croirait une boule puante. Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable. Mais c'est parce que c'est très chaud. Les spotsy fermentent à la bicuisson, les odeurs s'exhalent. Ah oui, comme une fausse sceptique, quoi. Quand ça sent très fort, en général, c'est très bon. Tenez, le mou, eh ben une bonne fricassée de mou, c'est très bon, mais ça schlingue. Eh oui, ce cloug, ça schlingue. C'est une véritable horreur. Du coup, le dîner est rapidement écourté sur les impulsions du Jean-Claude qui n'en peut plus. Mais même 2 heures après, Jean-Claude ne peut que constater l'ampleur des dégâts de ce gâteau. Ça sent les chiottes, ouais. C'est pas que je veux être vulgaire, mais ça sent les chiottes, ouais. Regarde autour de toi. Ça sent les chiottes, ouais. Je t'expliquerai pourquoi. Ça sent les chiottes, ouais. C'est parce qu'on vit dans la merde. Ça sent les chiottes, ouais. C'est pas que je veux être vulgaire, mais ça sent les chiottes, ouais. Regarde autour de toi. Ça sent les chiottes, ouais. Et je t'expliquerai pourquoi. Ça sent les chiottes, ouais. Monique, elle, ne peut qu'acquiescer. C'est une authentique infection. Mais depuis qu'elle vit avec Jean-Claude, elle connaît la solution contre toutes les mauvaises odeurs. Moi, je parfume avec huissard de sec, la nuit, le jour, dans mon séjour, comme une caresse. Je t'aime, huissard de sec, pour ta fraîcheur et tes senteurs. Huissard sec, le parfum intérieur sans retomber. Moi, j'aime le parfum de huissard de sec. En quelques instants, Monique terrasse la puanteur et leur maisonnée proprette retrouve la fraîcheur lavande qui s'y étend au Jean-Claude. Enfin, ça sent les chiottes, quoi. Fin de l'histoire. Cela dit, cette odeur méditerranéenne provoque finalement chez Jean-Claude le désir de s'emboîter comme 2 cuillères. Tout l'amour que j'ai pour toi est brûlant comme un feu. Il est grand et plein d'éclat. C'est si bon d'être heureux. Mes cris de joie, je te les dois. Car rien pour moi n'est plus que toi. Même quand tu n'es pas là, tu es présent, bien présent. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Je crois bien qu'il durera pour la vie, pour toujours. Quelle obsession, que ma passion. Je te dis non, tout bas, en moins de bruit de tes pas. Mon cœur bat, mon cœur bat. Je veux crier au monde entier que rien ne peut nous séparer. Tout l'amour que j'ai pour toi, c'est vraiment tout pour moi. Tout l'amour, ce fut la déclaration enflammée de Dario Moreno en 1959. Mais tu ne trouves pas que ça sent l'huile d'olive tout à coup? Dites-moi, Brica, oui, vous avez mangé du saumon périmé? Non, pourquoi? Non, non, pour rien. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre expédition au cœur des fosses nasales, des exhalaisons putrides à la fraîcheur marine, du tarin qui disparaît chez Gogol, au nez qui siffle chez Jean-Claude, et des caisses de l'UIMM, celle de Barbara Louf, nous t'avons offert ce matin un panorama olfactif et complètement subjectif de ce que peut être ton sens de l'odorat. Certes, Cette semaine, nous avons encore flirté sévère avec les clichés, mais bon, bien moins que d'autres. En somme, quel conseil donneriez-vous si vous aviez trois jolies femmes devant vous, prenons les trois couleurs normales en Europe, la rousse, la blonde ou la brune, la sans rousse? Donner de nom précis de parfum, que diriez-vous mais à la blonde? Est-ce une vraie rousse, une vraie blonde ou une vraie blonde? Supposons vraie qu'elle brune. Soit vraie. Bon, alors les vraies, pour les brunes, un parfum très puissant, très capiteux, très patchouli, très, très animal, si vous voulez. Une blonde, un parfum beaucoup plus fleuri, dans les genres rose, lilas, les fonds, rose, lilas, jasmin et tout. Ben, une rousse, vous savez, elle est assez différente, parce qu'il y a malheureusement pour les rousses, je m'excuse pour les rousses, elles ont une odeur très spéciale, et qui dénature assez facilement les parfums, les vraies rousses. Alors c'est à elles de choisir le parfum qui leur va le mieux, et qu'elles attendent, et qu'elles le suivent elles-mêmes. Par conséquent, la rousse est le grand mystère. La rousse est le grand mystère de la parfumerie et pour le maquillage aussi. La rousse serait donc le grand mystère de la parfumerie, mais comme chacun sait, leur lit est en mousse. Alors, pour finir, une question. Les odeurs sont-elles encore des marqueurs sociaux? Reconnaît-on toujours un ouvrier à l'odeur de sa sueur et le bourgeois exhale-t-il toujours de douces fragrances? Eh bien, c'est aujourd'hui un peu plus compliqué. Parce que l'ouvrier est devenu intérimaire, et il ne travaille plus qu'un jour sur deux. Tandis que de son côté, le bourgeois, lui, sue sang et eau désormais à force de boursicoter sur la misère du monde. Enfin, on exagère un peu. En vérité, question goûts et odeurs, chacun fait comme il veut. Il y a des truies qui sont chalimard et bison, castor et diorama. Moi, c'est moins courant, je serais plutôt du genre patchouli chinchilla. Moi je serais plutôt gitane filtre et bistrot, patchouli chinchilla. La la la la la la la la la la la la la la la la la. C'était la reine du patchouli, parce que c'est toujours bien un petit régime avant l'été. Voilà, fin du 124e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était C'est quoi ton nez, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode archi-loufoque et total foutraque. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, et il y avait bien sûr H2M, le maestro Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Fabrice Desmaz et de Gilles Gaillard. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci Flora. Merci aussi à Cyril Baer ainsi qu'à Victoire Fauche, nos deux stagiaires. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guillot et Florence D'Artois, toutes les deux documentalistes à l'INA. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez normalement dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Ça sent le tabac. Et quand ça commence à sentir le tabac, ça veut dire que ça va bientôt sentir le roussi. J'aime pas beaucoup ça.